إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est dans le cours 14 dans l'explication de Sharh Nawaqid al-Islam. Et on a expliqué quelques shubuhat au sujet du deuxième point dans les Nawaqid al-Islam, c'est-à-dire le fait de mettre entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala un intermédiaire dans l'adoration. Et que ça c'est quelque chose qui annule la foi d'un musulman. Donc on a expliqué jusqu'à maintenant trois parmi les shubuhat des gens qui font ces choses-là. Et on est arrivé à la quatrième. Le Cheikh dit الشبهة الرابعة وهي شبهة عريضة عندهم أن عمر رضي الله عنه توسل بالعباس رضي الله عنه في الاستسقاء لما أجذبوا واستقوا واستسقوا طبعاً. فإن عمر رضي الله عنه طلب من العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالغيث فقال اللهم إني كن اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قم يا عباس فادعو فقام العباس فدعا لهم فاستجاب الله لهم قالوا توسل عمر بالعباس أو توسل عمر بالعباس دليل على اتخاذ أن اتخاذ الوسائط جائز. La quatrième شبهة en fait c'est une شبهة qu'ils disent et ils utilisent souvent cette شبهة. Il dit par exemple que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le tawassul par Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la prière de l'istisqa, parce que les musulmans avaient une sécheresse à l'époque. Et donc, au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand les musulmans avaient une sécheresse, ils venaient voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ils demandaient au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de demander la pluie, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la pluie pour eux. Et donc ils faisaient pour eux la prière de l'istisqa. Maintenant, après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu une sécheresse à l'époque de Omar ibn al-Khattab, quand Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu était le khalifa. Alors, les gens sont venus et ils ont vu qu'il y avait de la sécheresse. Alors, ils ont compris qu'il fallait faire l'istisqa, demander, faire la prière de la pluie, la prière de la demande de la pluie. Alors, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a demandé à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire l'istisqa pour eux, de faire la prière de la demande de la pluie pour eux, de faire le dua pour eux. Et c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a fait le dua pour demander la pluie. Il demande à Allah la pluie. Al-Abbas a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de faire descendre la pluie. Alors Omar ibn al-Khattab, il a fait un dua. Et il a dit, ô Allah, nous avions l'habitude de faire le tawassul vers toi par ton prophète. Hein, nous faisions le tawassul à toi par notre prophète, hein, par ton prophète, et tu nous donnais de la pluie. Et aujourd'hui, on te demande, on fait le tawassul par l'oncle de notre prophète, alors donne-nous la pluie. Et il a dit, lève-toi ô Abbas et fais le dua. Il a dit, lève-toi ô Abbas et fais le dua. Alors Al-Abbas s'est levé et il a fait un dua à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son dua. Et donc, ils essaient d'utiliser ça comme en disant, comme un argument pour dire, l'oncle Omar ibn al-Khattab a fait le tawassul par Al-Abbas. Et ça, c'est la preuve que c'est permis de prendre un intermédiaire dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, eux, c'est ça leur argument. D'accord? Et on va lire l'explication maintenant du Cheikh Saleh Al-Fawzan au sujet de cette shubha. En passant, l'histoire qui est mentionnée à propos de Omar ibn al-Khattab et de Al-Istisqa par Al-Abbas, elle est rapportée par Al-Bukhari. Dans un hadith selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Donc, le cheikh, il répond à cette shubha et il dit, فَنَقُولُ لَهُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ عُمَرْ تَوَسَّلَ بِدُعَاءِ الْعَبَّاسِ وَلَمْ يَتَوَسَّلْ بِذَاتِ الْعَبَّاسِ أَوْ بِجَاهِهِ فَإِنَّمَا تَوَسَّلَ بِدُعَائِهِ فَقَالَ قُمْ فَادْعُوا وَطَلَبَ الدُّعَاءِ مِنَ الصَّالِحِينَ أَمْرٌ مَشْرُوعٌ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أراد عمر رضي الله عنه أن يسافر للعمرة وعليكم السلام ورحمة الله وودعه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك فطلب الدعاء من الصالحين الأحياء أمر مشروع. Le cheikh, il explique et il dit, Subhanallah, hein, pour répondre à cette shubha, il dit, Subhanallah, Omar, il a fait le tawassul par le dua, par l'invocation de l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Abbas. Il n'a pas fait le tawassul par Al-Abbas lui-même. Il n'a pas dit, oh Allah, donne-nous la pluie par l'oncle du prophète, Al-Abbas. Non, il a fait le tawassul par le dua de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il a dit à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô Abbas, fais un dua pour nous, demande à Allah subhanahu wa ta'ala la pluie pour nous. C'est ça ce qu'il a fait, et c'est ça at-tawassul par le dua d'un homme pieux, c'est ça que ça veut dire. Ça c'est une forme de tawassul qui est légale et qui est permis dans l'islam, c'est quelque chose qui a été permis dans l'islam. T'as le droit de demander à un homme pieux, à quelqu'un de pieux qui est vivant, de faire un dua pour toi. Hein? Tu vois un frère musulman de qui tu penses du bien, hein? Tu crois que c'est un bon musulman, tu le vois, tu lui dis, tu sais qu'il est voyageur, tu dis, mon frère, fais un dua pour moi durant ton voyage. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour moi. Parce que dans le voyage, Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce les invocations. Alors, on voit ici, hein, le cheikh il dit, il n'a pas demandé à Al-Abbas, il n'a pas demandé à Allah subhanahu wa ta'ala par le statut élevé de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Abbas. Il a demandé uniquement par l'invocation de Al-Abbas. Et il a dit à Al-Abbas, ô Abbas, lève-toi et invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il a demandé donc l'invocation de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est permis dans l'islam. Et une preuve de ça, c'est que lorsque Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu voulait faire un voyage pour aller faire Al-Umrah, il a fait ses adieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait ses adieux avant de partir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar ibn al-Khattab, ô mon frère, ne nous oublie pas de tes bons doigts, ne nous oublie pas de tes bonnes invocations, dans tes bonnes invocations. Donc ça veut dire que il a demandé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, le plus pieux des hommes, il a demandé à Omar ibn al-Khattab de faire des doigts pour lui. Donc ça, ça prouve que c'est permis de demander à quelqu'un de faire des doigts pour toi. Et ça, c'est rapporté par Ahmad, Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah, selon Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Donc, de demander aux hommes pieux de faire un doigt pour toi, c'est permis. Okay. Après, le cheikh il dit, Amma al-Mayyit, ça c'est si il est vivant. C'est si cet homme à qui tu demandes de faire un doigt pour toi est vivant, c'est correct. Il dit, Amma al-Mayyit, fala yutlabu minhu shay, walakin al-rajul al-salih al-hay al-hadir, yajuzu laka an tatluba an yad'u Allah laka, aw yad'u lil-muslimin, wa kadhalika Muawiya, رضي الله عنه لما استقوا أمر يزيد وهو ابن الأسود الجرشي أن يدعو الله فدعا الله ولهذا قال الفقهاء في كتاب الاستسقاء ويستحب التوسل بالصالحين أو بدعائهم. Donc le cheikh il explique ici et il dit quelque chose de très important que les Ahbash et les autres gens de Mubtadi'a, parmi les Mubtadi'a, ils n'ont pas compris, ou bien ils ont compris mais ils font semblant qu'ils n'ont pas compris, c'est que comme on a expliqué de faire le dua, de demander à un homme pieux de faire un dua pour toi s'il est vivant, ça c'est permis. Mais si cet homme pieux là il est mort, alors tu n'as pas le droit de lui demander de faire des dua pour toi après sa mort. Et donc ça c'est la différence entre les deux. Donc il dit si un homme est vivant, il est présent, tu as le droit de lui demander de faire un dua pour toi et de lui dire demande à Allah pour moi, ça c'est permis, pour qu'il fasse un dua pour toi ou pour les musulmans. Et il dit que ça, ça s'est passé également à l'époque de Muawiyah radiallahu anhu, quand Muawiyah a demandé à Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi de faire un dua pour demander la pluie. Donc, ça c'est un autre exemple. Et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Ça s'est rapporté selon Abu Zur'a al-Dimashqi dans Al-Tarikh et l'imam al-Lalaka'i dans Sharh Intiqad Ahl-Sunnah. Et l'imam al-Albani l'a déclaré sahih. Donc, ça c'est un exemple encore de la signification de al-Tawassul. Al-Tawassul, ça veut dire, une des catégories de Tawassul qui est permis dans l'islam, c'est que tu demandes à quelqu'un de pieux de faire un dua pour toi. Ça, il n'y a pas de problème. Tant que la personne est vivante, et qu'elle est présente, c'est permis de le faire. Et c'est pour ça que les ulama de fiqh, les savants du fiqh, quand vous lisez dans les livres de fiqh, dans le chapitre de Al-Istisqa, la demande de la pluie, il y a souvent la mention des savants ou des ulama de fiqh qui disent et il est recommandé de faire le tawassul par les hommes pieux. Et qu'est-ce que ça veut dire de faire le tawassul par les hommes pieux? Ça veut dire de faire le tawassul en demandant à ces hommes pieux-là de faire du dua et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les gens de bid'a, les soufis, les ahbash et les autres, eux, ils essaient de faire comprendre aux gens que At-tawassul bi-salihi, ça veut dire que tu demandes à Allah par ces gens-là. Comme si tu dis, oh Allah, donne-nous la pluie par le statut par le statut élevé de tel homme parmi les pieux. Non, c'est pas ça que ça veut dire. At-tawassul bi-salihi, ça veut dire que tu demandes à quelqu'un qui est vivant et qui est présent de faire un doua pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose. C'est ça que ça veut dire At-tawassul bi-salihi. C'est-à-dire par leur invocation. Et le cheikh il dit ولو كان المقصود التوسل بذواتهم أو بفضلهم ومكانتهم لما عدل الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له مكانة عند الله وله جاه لا يزالون أو لا يزولان بموته صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يسأل الله بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بحق الرسول ولا بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم فعدلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق إلى المفضول وهو عمه أو وهو عمه العباس فما عدلوا عن الفاضل إلى المفضول إلا لأن الفاضل ميت والميت لا يطلب منه شيء وإنما يطلب من الحي فيطلب منه المال ويطلب فيطلب منه المال ويطلب منه الدعاء ويطلب منه المساعدة إذا كان قادرا وحاضرا قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فهذا هو الرد عليهم في هذه القضية في قضية التوسل عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه لم يتوسلوا بذات العباس أو بحق العباس أو بجاه العباس لأن هذا أمر باطل وإنما أمر عمر رضي الله عنه توسل وإنما عمر توسل بدعاء العباس قال له فقم فادعو وهذا أمر جائز لا بأس به وحينئذ لا بد أن نبين التوسل الجائز إلى آخره donc le cheikh explique ici que si la signification de faire le tawassul par les hommes pieux signifiait de faire le tawassul en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala par leur personne ou par leur mérite ou par leur statut ou par leur degré élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala alors dans ce cas là pourquoi les sahaba n'ont pas demandé par le statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pourquoi ils se sont tournés vers Al-Abbas Est-ce que l'oncle du prophète Abbas a plus un statut plus élevé auprès d'Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Certes non. Hein? Donc ça c'est la preuve que yani, de faire le tawassul par un homme pieux, ça ne veut pas dire de faire tawassul par sa personne ou son statut ou son mérite. Ça veut dire de faire de demander à cet homme pieux-là de faire une dua pour nous. Le cheikh il dit parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a un niveau hein, très élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a un statut et un respect, hein, c'est-à-dire il est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala et le mérite qu'il a et le statut qu'il a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ne disparaît pas après sa mort, il l'a toujours même après sa mort et malgré ça Malgré le statut et malgré le degré élevé qu'il a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani, les sahaba n'ont pas demandé à Allah par le statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein. Ils ont mis ça de côté et ils se sont tournés vers son oncle. Ils ont demandé le tawassul par l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas par la personne de son oncle, mais par son doua, par son invocation. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est meilleur que son oncle. Mais, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, alors ils se sont tournés vers celui qui est vivant pour faire un doua pour eux. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, il n'aurait pas demandé à son oncle de faire le dua pour eux, ils auraient demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh il dit, si tu as besoin d'argent, si tu as besoin d'un dua, si tu as besoin d'aide, tu demandes à quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui est vivant. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Ma'idah le verset 2, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى Entraidez-vous dans la piété et dans la crainte d'Allah, dans la bonté et dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le bien. Donc ça veut dire que c'est comme ça qu'on doit réfuter et répondre à ces gens de bid'ah et à ces gens qui appellent au shirk, hein, qui prétendent que dans le fait que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a demandé, a fait le tawassul par l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ceux qui prétendent que ça c'est une preuve pour eux de prendre des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'invocation ou dans l'adoration. Le cheikh il dit Omar ibn al-Khattab a fait le tawassul par son oncle, par l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Abbas. le père de Abdullah ibn Abbas, hein, le cheikh il dit, est-ce qu'il a demandé par la personne de Abbas, est-ce qu'il a dit, oh Allah, je te demande par Al-Abbas? Non. Est-ce qu'il a demandé par le droit de Al-Abbas, en disant, oh Allah, je te demande par le droit de Al-Abbas? Non, il n'a pas fait ça. Est-ce qu'il a demandé par le niveau, ou le statut, ou le degré de Al-Abbas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, en disant, oh Allah, je te demande par le degré ou le statut de Al-Abbas près de toi, ou qu'il a auprès de toi? Non, il n'a pas fait ça non plus. Tout ça, ça montre que tout ça, c'est faux. Omar ibn Khattab, la seule chose qu'il a fait, il a fait le tawassul par le dua de Al-Abbas, le dua de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a même dit, lève-toi et invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Qum fad'u. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait le tawassul par Al-Abbas. Et ça signifie quoi? Ça signifie de demander à Al-Abbas de faire le dua. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Et il n'y a pas de problème de faire ça, c'est permis. Donc, le cheikh il dit, c'est donc important, hein, la budda an nubayyin. التوسل الجائز والتوسل وعليكم السلام ورحمة الله والتوسل الممنوع فالتوسل ينقسم إلى قسمين توسل جائز وتوسل ممنوع. Il dit que donc on doit clarifier clairement le توسل, il est divisé en deux catégories, le توسل qui est permis et le توسل qui est interdit. Ok, un qui est permis, un qui est interdit, d'accord? Donc, le tawassul qui est permis, il est divisé en plusieurs catégories. On va expliquer, inshallah. Cheikh il dit, awalan, at-tawassul al-ja'iz wa huwa anwa'. Awalan, at-tawassul ilallahi bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَادْعُوهُ بِهَا أي تَوَسَّلُوا إِلَى اللَّهِ بِهَا فَتَقُولُ يَا رَحْمَنْ يَا رَحْمَنِ ارْحَمْنِي يَا غَفُورِ اغْفِرْ لِي يَا كَرِيمِ أَكْرِمْنِي وَاعْطِنِي يَا غَنِيُّ أَغْنِنِي وَهَكَذَا تَتَوَسَّلُ إِلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ كما توسل أيوب عليه السلام فقال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين توسل إلى الله بأنه أرحم الراحمين فاستجاب الله له. الشيخ يزيد parmi les catégories de توسل qui sont permis, il y a le توسل de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est permis, hein. Comme par exemple dans le verset 180 dans sourate Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, alors invoquez-le par ses noms, et laissez ceux qui déforment les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ils seront punis, hein, selon ce qu'ils ont fait, hein, par rapport à ce qu'ils ont fait. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit, fad'uhu biha, ça veut dire, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant par ces noms-là. C'est ça ce que ça veut dire. Quand tu as quelque chose à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, demande à Allah en lui demandant par ses noms. Hein? Comme par exemple, tu dis, ô Rahman, ô toi le tout miséricordieux, fais-moi miséricorde. Ô toi le pardonneur, pardonne-moi. Hein? Ya Ghafur et Firli. Ô toi le généreux, fais-moi miséricorde et donne-moi de ta générosité. Hein, ou donne-moi la richesse, ô toi qui es le riche. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms. Ça c'est une forme de tawassul qui est permise. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que Ayyub alayhi salam, Job, il a fait un dua à Allah subhanahu wa ta'ala, et il a fait dans ce dua, il a fait une forme de tawassul en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala par le fait qu'il est le miséricordieux ou le plus miséricordieux des miséricordieux. Il a dit, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala que le mal l'a atteint, hein, que le mal l'a touché, et qu'il est le plus miséricordieux des miséricordieux, c'est-à-dire, yani, guéris-moi, donne-moi la miséricorde, donne-moi la guérison, puisque c'est toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc ça c'est une forme de tawassul. وتوسل يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت في الظلمات ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين après الله سبحانه وتعالى dit فاستجبنا له okay c'est-à-dire que يونس عليه السلام إلى fait un dua, il a fait le tawassul, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il était dans les ténèbres de la mer, en plus des ténèbres de la nuit, en plus des ténèbres du ventre de ce poisson, dans lequel il était. Et donc, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala dans le ventre de cette bête, dans la mer, et il a dit, « La ilaha illa anta » Il n'y a rien qui mérite d'être adoré en dehors de toi, autre que toi. « Subhanak » Que tu sois purifié de toute imperfection. « Inni kuntu min al-zalimin » J'ai certes été parmi le nombre des injustes. Et quand il a fait ce dua, par le fait que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'a exaucé. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit, فاستجبنا له. Nous l'avons exaucé à cause de ça. فتوسل إلى الله بالتوحيد. لا إله إلا أنت. Il a fait un dua à Allah subhanahu wa ta'ala et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid, par le témoignage de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit « وتوسل إلى الله بتسبيحه » أي بتمزيحه et il a fait le tawassul par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il est purifié de toute imperfection. « وتوسل إلى الله باعترافه بذنبه » et il a aussi fait le tawassul et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala par le fait qu'il reconnaissait son péché à Allah subhanahu wa ta'ala. Inni kuntu min al-zalimin. J'étais parmi les injustes, et à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a exaucé. Donc le tawassul par les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou par les bonnes œuvres qu'on fait, ça c'est permis. Comme les hommes qui étaient dans la caverne par exemple, et que les trois qui étaient dans la grotte, le rocher est tombé à l'entrée de la grotte, et chacun d'entre eux, il a mentionné une bonne œuvre qu'il avait faite, pure, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et après que chacun d'entre eux ait fait son dua en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala par cette bonne action-là, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, petit à petit, il a fait ouvrir la grotte, et finalement, ils ont pu sortir à la fin. Donc ça, c'est l'histoire que vous connaissez à ce sujet-là, c'est une forme de tawassul aussi. Après, il donne un autre exemple de tawassul qui est permis dans l'islam. Il dit « وكذلك التوسل بدعاء الصالحين الأحياء جائز كما توسل عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه وطلب منه الدعاء وكذلك توسل معاوية بدعاء يزيد الجرشي ولهذا قال الفقهاء في كتاب الاستسقاء ويستحب التوسل بالصالحين يعني بدعاء الصالحين كما فعل عمر رضي الله عنه وليس المقصود التوسل بحقهم وذواتهم وجاههم فالتوسل بالجاه أو التوسل بحق الشخص أو التوسل بمكانة الشخص عند الله هذا كله توسل مبتدع ومحرم وهو وسيلة من وسائل الشرك نعم donc le chef dit comme deuxième exemple de dua par le tawassul qui est permis c'est le dua ou le deuxième exemple de tawassul, c'est le tawassul par le dua des hommes pieux qui sont vivants, ça c'est permis. Comme l'exemple de Omar tout à l'heure qu'on a mentionné avec l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Abbas, lorsqu'il a demandé à Al-Abbas de faire un dua. Ou l'exemple de Muawiyah, lorsqu'il a fait le tawassul par le dua de Yazid al-Jurashi. Et de même que les fuqaha, les ulama de fiqh, ils mentionnent dans les livres, quand ils parlent dans Kitab al-Istisqa, le livre qui parle de la prière de la demande de la pluie, yani, ils disent que c'est recommandé de faire le tawassul par les hommes pieux, c'est-à-dire par le dua des hommes pieux. Il y en a des mubtadi'a, parmi des mubtadi'a qui ont écrit des livres de fiqh parfois, peut-être qu'ils ont rajouté des trucs qui sont fausses, qui n'ont aucune preuve et aucune référence, et qui défendent des formes de bid'a et de shirk. Donc il ne faut pas s'étonner si on trouve dans certains livres parfois de fiqh des formes de tawassul qui sont contraires à la sunna, hein, qui sont interdites, comme par exemple par le statut ou le niveau des hommes pieux ou par le droit qu'ils possèdent, etc. Tout ça c'est quelque chose qui est contraire à la sunna, qui est bid'a et qui est haram. Et les ahbash, ils savent ce qu'ils font, ils vont sur internet et ils ouvrent des sites et ils donnent à leurs sites des noms qui donnent l'impression que c'est des gens qui sont sur la sunna, par exemple Manhaj al-Salaf ou le site Salafi ou des trucs comme ça. Et dans leur site, quand vous rentrez dans ces trucs là qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez juste des paroles, des trucs qui en réalité contredisent le manhaj des salafs. Et ils utilisent ces méthodes-là pour tromper les gens, parce que quand quelqu'un fait une recherche Google, il cherche un site salafi, et là il trouve une liste, et là il va voir un site, hein, manhaj salafi ou le manhaj des salafs, il rentre là, il voit, après c'est juste des attaques contre Mohammed Abdul Wahhab, et des citations de soi-disant de savants qui sont parfois prises à tort et à travers, en dehors de leur contexte, et ils essaient de les faire dire que le shirk est permis dans l'islam, ou que la bid'a est permise dans l'islam, et des trucs de ce genre. Et donc il faut faire attention à ces gens-là, et à ce sujet-là. Et donc le shirk, il dit, Omar ibn al-Khattab, comme on a dit, il a demandé à Al-Abbas de faire le dua. Ça ne veut pas dire qu'il demande à Al-Abbas de, ou qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala par le droit qu'il possède, ou par sa personne, ou par son statut. Parce que de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par le statut, ou par le droit d'un être humain, ça c'est quelque chose qui est innové. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ça, ni les sahaba n'ont jamais fait ça, donc ça ne fait pas partie de l'islam. Même s'il y en a d'autres qui l'ont fait par la suite, après les trois premiers siècles, ça ne fait pas partie de l'islam. Parce que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, et n'a pas enseigné, et n'a pas approuvé, et que les sahaba n'ont pas pratiqué, alors ça ne fait pas partie de l'islam, même si par la suite il y en a parmi des gens qui ont été séduits ou trompés par ces choses-là. D'accord? Et donc c'est ça. Donc il dit... Okay. Le shirk, il dit ensuite que ça aussi, ça peut être un moyen qui fait tomber les gens dans le shirk. Parce qu'il y en a beaucoup de gens par la suite et qui passent par cette voie-là, tawassul soi-disant par les individus eux-mêmes, et par la suite, ils tombent dans le shirk. Et il donne maintenant la deuxième catégorie de tawassul, c'est le tawassul qui est interdit. Il dit « wa thaniyan at-tawassul al-mamnu' » وهو التوسل إلى الله بجاه الشخص أو بحق الشخص على الله أو بذات الشخص وهذا توسل ممنوع وهو وسيلة من وسائل الشرك فيجب التفريق بين التوسل الجائز والممنوع وقد ذكر شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في كتاب التوسل والوسيلة أنه بسبب اللبس والخلط بين أنواع التوسل حصل الخلط في هذا الباب فلا بد من معرفة التوسل الجائز والتوسل الممنوع حتى لا يقع الإنسان في الخلط والخطأ في هذا الباب فهذا باب عظيم يجب العناية به لئلا يختلط الأمر لأن شبهات هؤلاء المضللين تنطلي على بعض الناس والعوام فيجب معرفة الجواب عنها حتى لا يلتبس الأمر. الشيخ الذي la deuxième catégorie de tawassul telle qui est interdite, c'est de faire le tawassul à Allah subhanahu wa ta'ala par le statut d'un individu ou par le droit de l'individu sur le droit qu'il a sur Allah subhanahu wa ta'ala soi-disant. Et par sa personne ou par sa personne. Il dit tout ça c'est interdit. Et c'est une chose qui peut amener les gens à tomber dans le shirk. C'est un moyen vers le shirk. Et donc c'est obligatoire pour les musulmans de faire la distinction entre les catégories de tawassul qui sont permises et le tawassul qui est interdit. Et l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a un livre qui s'appelle « Qa'idatun Jalila fi tawassul wal wasila ». Et c'est un petit livre qui est vraiment bénéfique et qui réfute les shubuhat, les soufis et les shi'as au sujet de cette question de tawassul. Et il faut savoir aussi que les soufis et les shi'as et les jeunes bid'as, ils confondent et ils mélangent entre l'utilisation des termes quand ils parlent. Donc parfois ils utilisent le mot tawassul, parfois ils utilisent le terme istirata, et parfois ils utilisent le terme shafa'a, et ils mélangent chacun de ces termes-là. Et dans leur utilisation de ces termes, ils veulent dire quoi? Ils veulent dire que tu demandes à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et ils veulent essayer de faire croire aux gens que ça c'est permis. D'accord? Donc sachez que ça, tout ça c'est des façons de confondre et de mélanger les gens. Parce que ils ne donnent pas une définition correcte de chacun de ces termes-là. Donc, le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah a dit que, yani, à cause de tous les tromperies et les mélanges qui ont été faits entre les catégories de tawassul, il y a eu un grand mélange qui a été fait dans cette question-là. Hein? Le fait qu'il y a un tawassul qui est permis et un tawassul qui est interdit, eux les soufis, ils font aucune distinction entre ces deux-là, ils mettent tout ensemble et ils mélangent les gens là-dedans. Et donc c'est pour ça que le cheikh dit, à cause de ce mélange-là, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans de graves erreurs à ce sujet-là. Et donc c'est un sujet très important à comprendre et c'est très, très important que les gens yani, donnent une importance à ça et pour éviter justement de tomber dans toutes les confusions et les mélanges qui sont arrivés à ce sujet-là. De même qu'il y a beaucoup de faux hadiths, des hadiths daïfs qui ont été rapportés à ce sujet-là pour essayer de justifier ces formes de tawassul qui sont contraires à la sunna. Comme des du'as qui disent إني أسألك بحق بحق السائلين أو بحق الصالحين أو des trucs comme ça. Il y a beaucoup de hadiths de cette catégorie là et ce sont des hadiths ضعيف. Et Ibn Taymiyyah رحمه الله dans son livre التوسل والوسيلة il mentionne tous ces hadiths là qui ont été mentionnés par ces gens là et il montre le fait que ce sont des hadiths qui sont pas authentiques, soit qu'ils sont fabriqués ou soit qu'ils sont très très faibles. Hein? Donc ça c'est très important d'être averti à ce sujet-là, que si vous entendez des gens comme ça qui vous citent des hadiths, sachez que ce sont souvent des hadiths qui sont faibles. Et si ce ne sont pas des hadiths faibles, c'est parce que ce sont des hadiths qu'ils déforment, c'est-à-dire ils changent la compréhension de ces hadiths-là, pour essayer de les faire entrer dans leur interprétation à eux, et de justifier le shirk qu'ils font, comme le hadith de l'aveugle. On mentionne souvent le hadith de l'aveugle qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire un dua pour lui. Hein? Il essaie de faire la shubha avec ce hadith-là. Alors que dans le hadith, il n'y a aucune preuve en leur faveur parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est vivant et il est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire un dua pour lui. Donc, il n'y a aucune preuve pour eux dans ce hadith-là. Et dans le charh de l'Usul al-Thalatha, je crois que c'était le cours numéro 15, eh bien, on a expliqué même les détails de la réfutation des shubuhat qu'ils font à propos de ce hadith-là. 15 ou 16, un des deux. Après, le cheikh il dit, donc c'est ça, il faut faire attention à ces shubuhat, parce que ces gens-là, ils les répandent partout maintenant, et ils appellent les gens à faire le shirk. Vous regardez dans les livres des Ahbash, dans les sites des Ahbash sur Internet et dans les sites des Soufis maintenant, comme aslama.com et d'autres, ils essaient de dire aux gens, oui vous pouvez faire le shirk et vous pouvez invoquer d'autres qu'Allah, c'est pas grave, et un tel a dit que c'était permis, un tel a dit que c'était permis, un tel a dit que c'était permis, oui mais moi le Coran et la Sunna, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Allah a dit? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Même si tu me donnes une liste avec 1 million de noms de savants, qui ont dit que c'était correct. Montre-moi les preuves dans le Coran et dans la Sunna que c'est permis de faire le shirk. Tout ce qui est dans le Coran et dans la Sunna interdit de faire le shirk. Et les salafs ont tous interdit d'invoquer en ce que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils n'ont jamais fait ça. Donc comment tu peux essayer de me dire que ceux qui sont venus après ont accepté ça? Souvent c'est, comme je dis, c'est des mensonges souvent contre ces gens-là. Ils mettent des mensonges dans la bouche des ulama où ils se basent sur des narrations qui n'ont aucune authenticité. Cheikh dit ensuite, قال شيخ الإسلام رحمه الله فمن اتخذ بينه وبين الله وسائط يدعوهم كأن يقول يا أحمد البدوي يا عبد القادر يا حسين يا علي يا فلان أعفني أنقذني اشفي مريضي رد غائبي فيهتفتون بأسمائهم يهتفون بأسمائهم فهذا هو الشرك الأكبر لأنه دعاء لغير الله والدعاء أعظم أنواع العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة يعني أعظم أنواع العبادة فإذا دعا غير الله فهذا أعظم الشرك والعياذ بالله سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو جنا أو إنسيا ou insana. Le cheikh il dit, et que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a dit, et quiconque prend entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala des intercesseurs, et qui les invoque, comme s'il dit, ô Ahmad al-Badawi, ô Abdul Qadir al-Jilani, ô Hussein, ô Ali, ô un tel, ô Ahmad Tijan, ou ô n'importe quel, je ne sais pas qui encore, sauve-moi, ou guéris mon malade, ou retrouve-moi ce que j'ai perdu. Ils invoquent ces gens-là et ils disent que ça c'est permis. Ils disent que ça c'est permis, que c'est l'istirata de Salihin et que ça c'est permis. Hein? Subhanallah. Il y en a un qui s'appelait, comment il s'appelle? Youssef al-Nabahani. Il a écrit un livre, Yanni. J'ai oublié le nom, Yanni. En tout cas, le titre du livre, c'est il essaie de prouver que c'est permis de faire l'istirata par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de chercher d'appeler au secours le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les moments de détresse. Hein, et que c'est permis d'appeler au secours les hommes pieux. Et ils disent non, ça c'est pas un dua, c'est juste une appel. Et un dua c'est quoi? C'est pas une appel? Hein? Donc c'est des gens qui jouent avec les mots, Allah al-Musta'an. Et quand tu appelles quelqu'un puis tu dis non mais je crois pas qu'il peut rien faire ni pour moi ni contre moi, alors pourquoi tu l'appelles? Pourquoi tu l'invoques? Si c'est inutile, hein? C'est seul Allah qui peut t'aider, qui peut te sauver. Pourquoi tu appelles quelqu'un qui est mort, hein? Et tu penses qu'il peut t'aider en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? A'udhu billah. Donc le cheikh il dit que des gens qui font ça, ça c'est du shirk akbar, parce qu'ils invoquent autre que Allah. Et ces gens-là, ils sont tellement graves. Vous voyez les Ahbash, par exemple, et les autres soufis qui appellent à ces choses-là. Hein, ils disent que ceux qui interdisent ça sont des koufars. Allah Musta'an. Ils disent qu'on est des koufars parce qu'on interdit de faire ça. On interdit aux musulmans d'invoquer les awliya. A'udhu billah. Donc, vous voyez qu'ils disent, non mais, les appeler, c'est pas une adoration. C'est pas une adoration de faire ça. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ad-du'a huwa al-ibada. De faire l'invocation, c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça. Alors toi, tu viens, puis tu me dis, non, c'est pas une invocation, c'est pas une adoration, ça. C'est juste une appel. Et ils sont tellement rusés, Allah musta'an, ils essaient de faire la comparaison entre ça et le fait que, par exemple, quelqu'un appelle un ami dans la rue. Eh, toi, viens ici. Hein, et ils disent, si tu l'appelles, est-ce que ça c'est shirk? Tu dis non, ça c'est pas shirk, tu appelles ton ami de l'autre côté de la rue. Tu lui dis viens m'aider ou viens me voir. Et donc il dit ben, dans ce cas-là, invoquer les morts c'est pas shirk aussi. Hein? Allah al-Musta'an. Ils font même pas la distinction entre invoquer quelqu'un qui est vivant en face de toi et quelqu'un qui est mort. Hein? Ou appeler quelqu'un qui est au bord de la rue et appeler quelqu'un qui est dans sa tombe, qui est mort depuis plus que 1000 ans. Allah al-Musta'an. Et les chiens, ils font ça la même chose. Ya Hussein, ya Ali. Hein, quand ils ont des malheurs. il crie, et vous les entendez toujours crier, Ya Hussein, Ya Ali, hein, Azubillah. Ils les prennent comme des dieux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Donc, ça c'est une des plus grandes formes d'adoration, le dua, et ils l'offrent à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est une forme de shirk majeur, wal'iyadu billah. Et peu importe que ce qu'ils invoquent, peu importe qu'est-ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah, que ce soit un ange, ou un prophète, ou un homme pieux, ou un djinn, ou un être humain, peu importe, c'est une forme de shirk, le fait de les invoquer en dehors d'Allah. Cheikh dit, wa dhakara Cheikh al-Islam, rahimahullah, anna shayateen qad tatamathal bisuwar al-amwat, fayakhrujuna ila al-nas inda al-qubur, fayakul ana fulan sahib al-qabr, ماذا تريد؟ وهو شيطان تمثل في صورة الميت فيظن الناس أن هذا هو الميت وهذا معنى ما ذكره الشيخ قلت وقد يمد يده قد يمد يده كما قال كما قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم مد يده إلى الرفاع وصافحه وهذا كذب le cheikh, il dit que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit que parfois les diables peuvent prendre l'apparence de ces morts-là. Ils prennent l'image ou l'apparence de ces hommes qui sont morts ou enterrés, et ils apparaissent à ces gens-là lorsque ces gens-là les invoquent auprès de la tombe. Et ils disent, je suis, c'est moi celui que tu appelles dans la tombe, c'est moi, tel cheikh ou telle personne, c'est moi. Donc il se présente. Mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'appelles? Hein? Donc cette personne-là, elle s'imagine que c'est lui vraiment, alors que c'est le shaitan qui a pris son image. Et il croit donc que, qu'est-ce qu'il fait, c'est bien dans ce cas-là. Le fait que la personne lui apparaît réellement, hein, il croit que c'est un miracle. Et, le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, il explique cette chose-là. Et ça arrive. C'est vrai, c'est des fois, ça arrivait à certaines personnes, et ils ont été trompés par les diables de cette façon-là. Et même chez les non-musulmans, des choses comme ça arrivent. Il y a des chrétiens, parfois, ils disent, ah oui, j'ai vu Marie, elle est venue, elle m'a parlé, hein. Et ils voient comme ça des saints, ou des hommes, ou des anges, ils disent, ah oui, les anges sont venus, ils m'ont parlé, et tout ça, c'est pas vrai. Le cheikh, il dit, wahada kazib. Hein? Et il dit qu'il y a même un soufi qui s'appelle Ar-Rifa'i, il est venu et il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la main, et qu'il a serré la main au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa tombe. Et il a sorti sa main de sa tombe et il lui a donné la main. Et le cheikh il dit, ça c'est un mensonge, wa hada kadhib, wa in kana waqi'an, falladhi madda yadahu shaytan. لأن الشياطين تتمثل عند الأضرحة والقبور بصور أصحاب القبور أو أنهم يتكلمون من داخل القبر فيظن الناس أن هذا الميت يتكلم فيسمعون صوته. Donc le cheikh il dit, même si c'était vrai qu'une main était sortie, cette main là c'est la main du shaitan, c'est une main du shaitan, c'est pas la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il prend la forme des gens comme ça auprès des tombes. Et, ils prennent l'image de ces hommes-là. Et les gens, Allah al-Musta'an, ils n'ont pas étudié l'islam, ils n'ont pas étudié l'aqidah, ils n'ont pas étudié le Coran et la Sunna, donc, ils sont superstitieux, ils croient à tout. Hein? Et souvent, ils ont grandi dans des contextes sociaux où les gens croient à toutes sortes de fausses histoires, des racontages, des superstitions, puis, tu leur dis n'importe quoi, et ils me disent, ah oui, ça c'est vrai, a'udoubillah, alors que c'est des mensonges. Et malheur à toi si tu doutes en sa parole. Hein, il faut vous aller avec Jamaat Tablir, Allah Musta'an, vous les écoutez dans leur bayan, ils racontent des histoires à dormir debout. Et ce n'est pas des hadiths, c'est juste des histoires qu'ils racontent. Une fois on était sur la route, et il y a une table qui est tombée du ciel, et il y avait toute la nourriture dessus, et Allahu Akbar. Et puis, si tu ne crois pas en ce qu'il dit, il se fâche avec toi. Hein. Mais c'est pour dire que, il y en a un qui racontait une histoire une fois, il a dit, le chef de Jamaat Tablir, il était au bord de l'eau, et il y avait un crocodile, il est allé se baigner, et le crocodile est venu, puis il s'est battu avec le crocodile, et il a dit au crocodile, si tu me manges, tu vas faire la da'wah. Et le crocodile est parti, il l'a laissé à cause de ça. Donc, ça, c'est des histoires pour vous dire les gens y croient à n'importe quoi, parce que c'est l'éducation des soufis. Hein. Quand vous lisez dans un livre des soufis, hein, ils disent, il y a un homme qui est resté 40 ans avec le même boudou. 40 ans avec le même boudou. Et eux, ils lisent ça dans leur livre et ils croient en ça. Et une autre histoire, j'écoutais l'autre fois, il dit, il y en a un qui était dans la mosquée, il y avait plein de monde, beaucoup de monde, c'était le Jumu'ah. Il pouvait pas sortir pour aller faire le wudu dehors et revenir. Il allait manquer la salat, il pouvait pas revenir. Alors, il a regardé son cheikh, et son cheikh a compris qu'il a perdu son wudu. Alors, il a dit, je suis rentré dans la manche du cheikh, et là, il y avait l'océan. Et j'ai fait le wudu dans l'océan, et je suis ressorti. Hein? Et les gens, ils lisent ces livres-là, dans les livres des soufis, et ils croient en ces affaires-là. Donc c'est pour vous dire, Allah al-Musta'an, quand les gens ont été éduqués de cette façon, avec cette éducation des soufis, ils ont réussi à casser leur logique, leur aql. Ils pensent même plus, ils réfléchissent même plus. Tout ce qu'ils entendent, ils le croient. Donc c'est des gens comme ça, quand on leur raconte des histoires, qu'ils entendent des voix dans la tombe, ou on leur parle de la tombe, et ils disent, c'est moi, celui que tu as invoqué, et en réalité c'est le shaitan. Et eux, ils pensent que c'est vraiment le mort qui leur parle. Et donc, ils ne le savent pas, puis ils commencent à invoquer les tombes, et ils pensent que le fait qu'ils voient quelque chose, ou qu'ils entendent quelque chose, que ça justifie le shirk qu'ils sont en train de faire. Hein? Allah al-Musta'an. Donc le shirk, il dit que tout ça c'est des tromperies que le shaitan leur fait. Après, il dit, فَيَدْعُونَ الْقَبْرَ وَيَطْلُبُونَ مِنْهُ الشَّفَاعَةَ والشفاعة حق ولكنها لا تطلب من الأموات وإنما تطلب من الله فتقول اللهم شفع في نبيك اللهم شفع في عبادك الصالحين فلا تقل عند القبر وتقول يا فلان أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفع لي فإنه لا يطلب منه لا يطلب من الميت شيء وإنما يطلب من الله والشفاعة ملك لله وليست ملكا لغيره. Donc le chef il explique et il dit que les gens ils entendent ces choses-là, ils voient ces choses-là et ils invoquent les tombes et ils cherchent l'intercession de la part des tombes. Et l'intercession c'est vrai, elle existe. Il y en aura une intercession au jugement dernier. Toutefois, on n'a pas le droit de la demander des morts directement. On la demande uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, on dit par exemple, oh Allah, accepte l'intercession de ton prophète pour moi. Ou accepte l'intercession pour moi des hommes pieux au jugement dernier. Mais tu vas pas te tenir à la tombe et demander aux morts, donne-moi l'intercession ou intercède en ma faveur. Parce que tu demandes pas à une créature ces choses-là, tu demandes uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le mort ne peut rien faire pour toi. Et on n'a pas le droit de demander rien à un mort. Et le cheikh il dit que l'intercession, c'est quelque chose qui appartient à Allah seul, et elle n'est pas la propriété de quiconque en dehors de lui. Donc on n'a pas le droit de la demander à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite, وَلَا تَكُونِ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ. Il y a deux conditions pour que on puisse faire demander, pour qu'on puisse profiter de l'intercession. Pour qu'on puisse profiter de cette intercession. الشرط الأول أن يأذن الله بها. والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد لا يكون مشركا. فهذان الشرطان مأخوذان من القرآن. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي ارتضى الله بقوله وعمله وهو الموحد. أما المشرك فيقول تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وذكر الشرطين: من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، هذا هو الشرط الأول، ويرضى هذا هو الشرط الثاني، وهو لا يرضى إلا عن أهل الإسلام والتوحيد، ولا يرضى عن المشركين. الشيخ يقول: il y a deux conditions pour que tu sois parmi ceux qui reçoivent l'intercession des prophètes et des hommes pieux au jugement dernier, c'est premièrement que Allah ait permis qu'on intercède en sa faveur, et deuxièmement la personne pour qui on intercède, c'est-à-dire, non, premièrement, la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah permette à cette personne d'intercéder pour toi. Ça, c'est un. Deuxièmement, que la personne pour qui on intercède soit parmi les gens du tawhid, qu'il ne soit pas un mushrik. Parce que s'il est mushrik, on ne peut pas intercéder pour lui. Et ces deux conditions-là sont prises dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset Ayatul Kursi, le verset 256, la surat al-Baqara, qui peut intercéder auprès de lui, excepté par sa permission. Donc personne ne peut intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également, et ils ne peuvent intercéder que pour celui que Allah a agréé. Donc quelqu'un ne peut pas intercéder en faveur de quelqu'un que Allah n'a pas agréé. وَاَيْ اِرْتَضَ اللَّهِ Et Allah a été satisfait de ses paroles et de ses actions. Et c'est celui qui est sur le tawhid, qui n'a pas fait de shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos des mushrikines, et l'intercession des intercesseurs ne leur sera pas bénéfique, ne leur servira à rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, pour les injustes, c'est-à-dire les mushrikines, il n'y aura aucun ami chaleureux ni intercesseur qui sera obéi ou écouté. Et ça c'est le verset, l'autre c'est 48 dans Surat Al-Muddassir, il y a le verset 28 dans Surat Al-Anbiya qu'on a récité, et l'autre, le dernier c'est le verset 18 dans Surat Ghafir, et l'autre verset que le Cheikh mentionne ensuite c'est le verset 26 dans Surat Al-Najm. Et combien il existe d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sera d'aucune utilité, excepté pour celui que Allah a permis, hein, excepté pour celui pour qui Allah a donné la permission, et pour celui qui l'a voulu et qui l'a agréé. Donc ça veut dire que c'est uniquement par la permission qu'on peut intercéder, et pour celui que Allah a agréé et qui l'a voulu. Et donc ça c'est les deux conditions. وَمِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Ça c'est les deux conditions. La première condition, après que Allah ait donné la permission pour qui il a voulu, et la deuxième condition, wa yarda, c'est-à-dire qu'il a agréé. Wa huwa la yarda illa an ahli at-tawhid wal islam wa la yarda an al-mushrikeen. Allah accepte uniquement et est uniquement satisfait des gens du tawhid et des gens de l'islam, et il n'est pas satisfait des mushrikeen. Wa idhan ash-shafa'a haqqun فتطلب من الله جل وعلا، أما طلب الشفاعة من الأموات فهو باطل، فبطل قولهم أنهم يطلبون من الأموات الشفاعة ويقولون الشفاعة حق، فنقول نعم الشفاعة حق، ولكن طلبها من الأموات باطل، وإنما تطلب من الله، قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة ملك لله، قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق أي شهد أن لا إله إلا الله وهم يعلمون، أي يعلمون معنى هذه الكلمة ويعملون بها، لا يكفي مجرد التلفظ بالكلمة فقط وهو لا يعلم معناها، أو يعلمه وهو لا يعمل به فلا تنفعه. وكذلك تطلب الشفاعة من الحي الحاضر بمعنى أنه يطلب منه الدعاء، فتقول يا فلان أدعو الله لي بكذا وكذا، كما طلب عمر الدعاء من العباس، وكما يطلب الناس يوم القيامة الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم في المحشر. الشيخ يقول ensuite donc l'intercession c'est un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est vrai, il existe l'intercession, shafa'a, il existe, mais on la demande uniquement à Allah seul. De demander l'intercession des morts, c'est quelque chose qui est complètement faux et incorrect. Et donc on a montré, avec toutes les preuves qu'on a expliquées et mentionnées, que ce que ces gens-là font en demandant aux morts quelque chose de l'intercession, on a montré que tout ça, c'est faux ce qu'ils font. Même si ils disent que l'intercession est vraie, oui, c'est vrai que l'intercession est vraie, mais on n'a pas le droit de la demander de ceux qui sont morts. On doit uniquement la demander d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 44, dans surat al-Zumar, il dit que, قل وعليكم السلام ورحمة الله قل لله الشفاعة جميعا dites à Allah appartient toute l'intercession. Donc l'intercession est la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui seul qu'on doit la demander. Et dans l'autre verset, dans surat al-Zukhruf, le verset 86, Allah subhanahu wa ta'ala dit et ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne possèdent pas la shafa'a, ne possède pas l'intercession. Excepté, il dit, et elle est uniquement pour celui qui a témoigné de la vérité et qui a eu la connaissance, qui ya'lamoun, wa hum ya'lamoun, ça veut dire qu'ils savent, qui ont témoigné de la vérité et qui savent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont, ils ont témoigné de la ilaha illallah et ils savent sa signification et ils agissent selon cette signification-là. C'est pas suffisant juste de répéter la ilaha illallah comme un perroquet, et tu sais pas ce que ça veut dire, et tu sais pas ce que ça implique, et tu n'agis pas selon sa signification. Si tu le dis de cette façon-là comme un perroquet, ça n'a aucune valeur, et ça va pas être bénéfique pour toi au jugement dernier. Et de même que la personne qui cherche l'intercession de la part de quelqu'un qui est vivant, ça c'est ça, si tu demandes l'intercession de quelqu'un qui est vivant, dans quel sens? Dans le sens que tu lui dis « fais un dua pour moi », ça c'est correct. Tu dis « fais un dua pour moi ». Comme Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, a demandé à Al-Abbas de faire un dua pour lui, ou de demander la pluie pour à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Hein? Et comme les hommes au jugement dernier vont aller voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le lieu où tous les hommes seront réunis, rassemblés pour le jugement, les hommes vont tous aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder auprès d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour eux ce jour-là. Oui, c'est correct, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être là devant eux. Hein. Mais aujourd'hui, après qu'il est mort, que tu vas à sa tombe ou que tu lui demandes de te donner l'intercession ou des trucs de ce genre, ça c'est une forme de shirk. Hein. Donc il faut faire attention à ça. Après le cheikh il dit « الشبهة الخامسة أن المشركين الأولين يدعون الأصنام والشياطين والجن أما نحن فندعو ناسا صالحين فكيف تجعلون الصالحين كالأصنام فنقول سبحان الله أما تقرؤون القرآن أليس المشركون الأولون يطلبون الشفاعة من الملائكة وهم صالحون ويطلبون الشفاعة من الأنبياء بعد موتهم وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهم يعبدون الملائكة وعزيرا والمسيح وهؤلاء أناس صالحون فالجاهليون متفرقون في عباداتهم ومنهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الشجر والحجر ومنهم من يعبد الملائكة والصالحين والأولياء فما عليه عباد القبور اليوم من جنس الشرك الأولين الذين يعبدون الملائكة والصالحين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فلا فرق بين عبادة أو عبادة المتأخرين للقبور وعبادة السابقين من المشركين فليست عبادة المشركين الأولين مقصورة على الأصنام كما تقولون ولا على الأشجار والأحجار ولكن منهم من يعبد الصالحين بدليل القرآن فإن الله ذكر أنهم يعبدون الملائكة وأناسا من عباده قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة دل على أنه يعبدون الصالحين الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة بطاعته سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il est en train de répondre à la cinquième shubha, et cette cinquième shubha, on a déjà en fait répondu à cette shubha lorsqu'on a parlé du premier point, quand on a parlé du shirk dans le premier point. Et c'est quoi cette shubha? C'est que les mushrikins d'avant, ils disent qu'ils priaient des idoles et le diable et les djinns. Et nous, on adore des hommes pieux, donc c'est pas pareil, ok? Et comment vous pouvez comparer des gens qui adorent des hommes pieux avec ceux qui adorent des idoles et des diables? Et le cheikh il dit, subhanallah, est-ce que vous n'avez pas lu le Coran? Hein? N'est-ce pas que les mouchriquins d'avant, ils demandaient l'intercession des anges, alors et ce sont des êtres pieux, et ils demandaient l'intercession des prophètes après leur mort, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Yunus, le verset 18, et ils adorent en dehors d'Allah ceux qui ne peuvent ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Hein? Ils adoraient les anges, ils adoraient Ozeir, ils adoraient le Messie, alors que ce sont des hommes pieux. Donc les gens de la Jahiliya, ils adoraient toutes sortes de choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi eux, il y en avait qui adoraient les idoles, d'autres le soleil, d'autres la lune, d'autres les arbres, d'autres les pierres, et d'autres qui adoraient les anges et les hommes pieux et les saints. Et donc, ce que les gens qui adorent les tombes aujourd'hui, ce qu'ils font, ça fait partie de ce que faisaient les premiers mouchriquins à l'époque, qui adoraient les anges et les hommes pieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans le verset 3, dans Surah Az-Zumar, ceux qui ont pris en dehors d'Allah des intermédiaires hein, comme alliés et qui les adorent, ils disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va juger entre eux au sujet des choses sur lesquelles ils ont divergé, et Allah ne guide pas celui qui est menteur et négateur qui rejette la vérité. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullah, il dit il n'y a pas de différence donc entre l'adoration des premiers qui adoraient les tombes et qui adoraient les autres non, il n'y a pas de différence entre ceux d'aujourd'hui qui adorent les tombes et ceux qui avant adoraient les idoles parmi les mouchriquins. Les premiers mouchriquins, leur idolâtrie ne se limitait pas uniquement à l'adoration des idoles, comme vous dites, hein, ni des arbres et des pierres, mais ils adoraient également des hommes pieux. Et c'est prouvé par le Coran, comme on l'a mentionné. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que les mouchriquins, parfois ils adoraient les anges et ils adoraient des hommes pieux, comme dans le verset 57 dans Surat al-Isra. Ceux-là, ils cherchent, ils adorent ceux qui essaient eux-mêmes de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala et qui cherchent le moyen d'atteindre l'obéissance et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça prouve qu'ils adoraient des hommes pieux eux aussi qui cherchaient l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça répond à cette chose-là. Et dit فالأمر واضح ولكن المغالطات من هؤلاء لا حصر لها فيجب على طالب العلم أن يكون على بصيرة بهذه الأمور خصوصا الدعاة الذين ينتظمون في سلك الدعوة لأنهم سيواجهون مثل هذه الشبهات فعليهم أن يتعلموا هذه الأمور فيعرفوها من أجل أن يردوا على هؤلاء المشبهين الذين أهلكوا الناس بشبهاتهم. Hein? Donc il dit cette chose-là, c'est une chose qui est claire, mais les erreurs et les confusions aujourd'hui, elles n'ont aucune limite, elles sont nombreuses. Et donc il est obligatoire pour la personne qui cherche la science de l'islam de les connaître et d'avoir une compréhension très claire de ces choses-là, et en particulier les gens qui sont actifs dans le da'wah, parce qu'ils vont avoir à faire face à toutes ces formes de shubuhat. Et donc il faut qu'ils étudient ces choses-là et qu'ils les connaissent comme il faut pour être capable de réfuter aux shubuhat de ces gens-là qui font périr les gens, qui font périr les gens. فعباد القبور يتكلمون يتوكلون على الأموات فمنهم من يقول للميت أنا في حزبك في حزبك يا فلان ولا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى لا تسمع من ألسنتهم ذكر الله وإنما دائما لهجهم بما يعبدونهم من دون الله ويتوكلون عليهم ويعتمدون والتوكل من أنواع العبادة من أعظم أنواع العبادة قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون لم يقل يتوكلون على ربهم وإنما قال وعلى ربهم يتوكلون فتقديم الجار والمجرور هو المعمول على العامل وهو المعمول على العامل لإفادة الحصر مثل إياك نعبد أي لا نعبد سواك ف فهذا أبلغ من قولك نعبدك لأن نعبدك لا يفيد حصرا أما إياك نعبد فيفيد الحصر فالتوكل عبادة عظيمة وهو الاعتماد على الله جل وعلا وتفويض الأمور إليه وهذا لا يمنع من اتخاذ الأسباب النافعة مع التوكل على الله فيجمع بين الأمرين لا يأخذ التوكل فقط ويهمل الأسباب النافعة ولا يعتمد على الأسباب ويهمل التوكل بل يجمع بين الأمرين وهذا شأن المؤمن Le Cheikh explique ici que les gens qui adorent les tombes, ils mettent leur confiance en ces morts qu'ils adorent, et parmi eux, il y en a qui disent aux morts, hein, je compte sur toi, ô un tel. Et ils mettent leur confiance en autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu les entends presque jamais mentionner Allah subhanahu wa ta'ala quand ils ont besoin de quelque chose, ils sont toujours en train d'évoquer ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils mettent leur confiance en eux. Et ils dépendent d'eux. Et donc, le cheikh explique que at-tawakkul, le fait de mettre notre confiance en quelqu'un, en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une des plus grandes, en particulier, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. De mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une des plus grandes formes d'adoration. At-tawakkul. C'est ça que ça veut dire. Mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une des plus grandes formes d'adoration. Et donc, il mentionne le verset 23 dans Surat Al-Ma'idah qui dit « وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » Et c'est en Allah que vous devez mettre votre confiance si vous êtes croyant. Hein? Mais c'est en Allah que vous devez mettre votre croyance si vous êtes croyant. Et il dit dans l'autre verset, dans Surat Al-Anfal, le verset 2, « Les croyants ne sont que ceux que lorsqu'on leur mentionne Allah, leur cœur frémisse. » Les croyants sont que lorsqu'on mentionne Allah, leur cœur frémisse. Et lorsqu'on récite sur eux ces signes et ces versets, ça augmente leur foi et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Le Cheikh explique un point important ici, il dit « وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ » Et ils, en leur Seigneur, ils mettent leur confiance. Ils mettent leur confiance en leur Seigneur. La façon dont Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit ici, il dit « وعلى ربهم يتوكلون. Ils disent c'est en leur Seigneur qu'ils mettent leur confiance. Et le Cheikh il dit, il n'a pas dit يتوكلون على ربهم. Hein? Allah SWT n'a pas dit ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Il a dit c'est en leur Seigneur qu'ils mettent leur confiance. Et le fait de d'inverser la formule de cette façon, ça implique que on limite le fait de mettre notre confiance en Allah uniquement. Parce que c'est comme, il donne la comparaison avec le verset dans Surat Al-Fatiha, quand on dit, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit, na'buduka. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit, nous t'adorons. Il a dit, c'est toi seul que nous adorons, hein. Iyaka, ni autre que toi nous adorons. C'est toi que nous adorons. Ça veut dire, quand tu dis c'est toi que nous adorons, c'est pas la même chose que si tu dis nous t'adorons. Il y a une différence entre les deux. Si tu dis nous t'adorons, ça c'est une chose. Mais si tu dis c'est toi que nous adorons, ça veut dire que c'est toi seul que nous adorons. Mais si tu dis nous t'adorons, ça peut vouloir dire on t'adore toi, on adore d'autres aussi. Mais là, c'est pas ça la signification. Ça veut dire, nous t'adorons, c'est toi que nous adorons. Ça veut dire, on adore personne d'autre que toi. La même chose quand tu dis, c'est en toi que nous mettons notre confiance. Ça veut dire, on ne met pas notre confiance en personne d'autre que toi. Il n'a pas dit, nous mettons notre confiance en toi et en peut-être en d'autres aussi. Ça voudrait dire, peut-être on met notre confiance en toi et en d'autres. Mais non. Allah dit, et c'est sur leur Seigneur qu'ils mettent leur confiance. Ça veut dire, ils ne mettent pas leur confiance sur autre que sur leur Rab, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est ce que ça signifie ici, al-hasr, ça veut dire de limiter la confiance qu'on a et de la mettre uniquement en Allah. Et un petit point ici que je vais mentionner, une fois, il y a un frère qui m'a appelé, il m'a demandé au sujet de at-tawakkul, il m'a dit par exemple, si je dis à quelqu'un, j'ai confiance en toi, est-ce que ça rentre dans le fait de faire le shirk dans at-tawakkul? Et il faut comprendre que il y a même en arabe le fait de dire à quelqu'un ana athiqu bik, hein, j'ai confiance en toi. C'est pas la même chose de dire je mets ma confiance en toi. J'ai confiance en toi, ça veut dire je sais que tu es une personne honnête et fiable. je crois pas que tu es un prêtre ou un menteur, donc je te fais confiance. Ça, c'est une chose. Puis de dire, je mets ma confiance en quelque chose ou en quelqu'un ou en quelque chose en dehors d'Allah, ça, c'est pas pareil. Ça, ça veut dire que tu dépends d'autre que Allah, et ça, ça rentre dans le shirk dans ce sens-là. Hein. Faut faire la différence entre les deux. Et ça, c'est juste un point en passant. Donc, le cheikh, il dit que le tawakkul, c'est une des plus grandes formes d'adoration, et c'est de dépendre à Allah subhanahu wa ta'ala, et de remettre à Allah toutes nos affaires. Et le cheikh, il dit que at-tawakkul, ça n'empêche pas le fait qu'on doit prendre les moyens nécessaires qui sont bénéfiques pour arriver à obtenir ce qu'on cherche et ce qu'on veut, et il faut réunir entre les deux. C'est-à-dire, il faut prendre les moyens nécessaires et mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh il dit, on va pas juste dire, on fait le tawakkul, on met notre confiance en Allah, puis on prend pas les moyens pour arriver à ce qu'on veut, puis on va pas non plus dire, on va prendre les moyens, puis on va juste dépendre sur ces moyens-là, et oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Non. On doit faire les deux ensemble. Mettre notre confiance en Allah et prendre les moyens nécessaires. Et ça, c'est le croyant qui fait ça. Après, le cheikh il explique, il dit, wa rasul sallallahu alayhi wa sallam, كان أعظم المتوكلين مع هذا كان يأخذ بالأسباب فكان يعد القوة للجهاد ويلبس الدروع عند الجهاد وهذه أسباب نافعة بإذن الله فالمؤمن يجمع بين الأمرين الأخذ بالأسباب النافعة مع التوكل على الله فهذا فلهذا يقولون الاعتماد على السبب شرك وترك الأسباب قدح في الشريعة لأن الشريعة أتت باتخاذ الأسباب النافعة. Le cheikh il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم, malgré que c'était le plus grand parmi les gens qui mettaient leur confiance en Allah سبحانه وتعالى, et malgré ça, il prenait les moyens nécessaires lorsque c'était nécessaire de les prendre en mettant sa confiance en Allah سبحانه وتعالى. Comme par exemple, il préparait sa force pour combattre contre les ennemis du tawhid et il portait des boucliers hein, et des armures. Donc ça, ça prouve que c'est pas interdit de prendre les moyens nécessaires pour faire quelque chose quand c'est bénéfique. Et le croyant, il réunit entre ces deux choses-là. Il prend les moyens nécessaires et il met sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que les savants disent, uniquement dépendre sur les moyens qu'on possède, ça c'est shirk, et d'abandonner les moyens complètement, ça c'est une attaque ou une insulte contre la charia, parce que la charia est venue pour est venue avec l'ordre de prendre les moyens bénéfiques pour arriver à faire ce que tu veux. Donc les soufis qui disent par exemple, on n'a pas besoin de faire l'effort ou de faire les causes, il faut juste mettre notre confiance en Allah et rester assis, ça c'est une mauvaise compréhension de at-tawakkul dans l'islam. Après le cheikh il termine, il dit فهؤلاء المشركون يتوكلون على الأموات والأشجار والأحجار فيتوكلون على مخلوق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق بشيء وكل إليه أو وكل إليه فمن تعلق بالله وتوكل عليه كفاه ومن توكل على غير الله فإن الله يكله إلى ذلك المخلوق الضعيف فيضيع لأنه توكل على غير من يتوكل عليه توكل على ضعيف مثلي أو من هو أضعف منه ولا شك أن الحي ليس كالميت فالحي يستطيع أن يمشي ويأكل ويشرب ويكتسب ويعمل ولكن ليس كالميت أما الميت فقد انتهى عمله فكيف إذا ماتوا جعلوهم آلهة من دون الله وهم أموات لا يملكون شيئا لأنفسهم ولا يستطيعون أن يكسب لنفسه شيئا فهو مرتهن فكيف يتوكل عليه ويعتمد عليه ويطلب منه الحوائج وهو ليس عنده شيء ولا يستطيع ولكن إذا انتكست الفطر جاء التقليد الأعمى والشيطان يزين للناس هذه الأمور بل إنهم يسمون هذه الأمور هي التوحيد اللهم استعان ويسمون التوحيد كفرا أو شركا ويقولون لمن ينكر عليهم أنت لا تحب الأولياء لأنك لا تدعوهم ولا تسبح لهم ولا تنظر لهم عندهم حب الأولياء عندهم حب الأولياء أن يتخذوا من دون الله أندادا Le chef il dit, donc les mouchriquins aujourd'hui mettent leur confiance en les morts, en les arbres, en les pierres, et ils mettent leur confiance en la créature. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'accroche à quelque chose, il sera laissé à cette chose. Et donc quiconque met sa confiance en Allah et s'accroche à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui suffit. Mais celui qui met sa confiance en autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'abandonne à cette chose qui est créée et qui est faible. Et il se perd, parce qu'il a mis sa confiance en autre que celui en qui on doit mettre notre confiance, il a mis sa confiance en celui qui est faible comme lui ou qui est plus faible que lui. Et il n'y a pas de doute que le vivant n'est pas comme le mort. Et le vivant, il est capable de marcher, de manger, de boire et de gagner sa vie et de travailler, tandis que le mort, toutes ses actions sont terminées. Alors comment, quelqu'un lorsqu'il meurt, on peut faire de lui une divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que ce sont des morts qui ne possèdent même pas aucun pouvoir pour eux-mêmes, hein, et qui ne peuvent rien faire pour eux-mêmes. Alors, il est pris en otage lui-même par ses actions. Alors comment on pourrait, mettre notre confiance sur ce mort et dépendre sur ce mort et demander à ce mort nos besoins, alors que lui-même il n'a rien pour lui-même, il n'est pas capable de rien faire pour lui-même. Mais lorsque la fitra des gens est renversée à l'envers et que les gens suivent des choses aveuglément et que le shaitan leur a embelli tous les égarements qu'ils font, et il dit même que ces gens-là, parmi les gens d'égarement, ils appellent ça le tawhid. Ils appellent le fait d'adorer les morts tawhid. Et le fait d'interdire le tawhid, le fait d'interdire d'adorer les morts et les tombes, ils disent que ça c'est le kufr et le shirk, imaginez. Alors, quand quelqu'un leur dit, ça c'est shirk, il faut pas faire ça, ils disent, vous n'aimez pas les hommes pieux, parce que vous ne les invoquez pas, vous ne sacrifiez pas pour eux, vous ne faites pas des vœux pour eux. Donc pour eux, d'aimer les hommes pieux, ça veut dire de les prendre comme des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh dit na'am, nahnu nuhib al-awliya. Ça c'est le dernier paragraphe. Le cheikh dit na'am, nahnu nuhib awliya Allah, wa naqtadi bihim wa nad'u lahum. Amma an nattakhidhum andadan ma Allah subhanahu wa ta'ala, ونتقرب إليهم بالعبادة فليست هذه هي محبة الأولياء والصالحين وإنما هي شرك والصالحون لا يرضون بالشرك أو أن يعبدوا مع الله عز وجل فمن الذي يحب الصالحين إن الموحد هو الذي يحب الصالحين ويتولاهم ويدعو لهم ويقتدي بهم ويستغفر لهم لا الذي يدعوهم من دون الله ويذبح لهم وينظر لهم وهم لا يرضون بهذا ولا يملكون من الأمر شيء. أنت حين تعبدهم أنزلتهم في غير منزلتهم. أنت لو جئت لواحد من الناس وقلت له أنت ملك أما يشعر هذا بأنك تسخر منه؟ هل الإنسان العادي تقول له أنت مثل الملك أو أنت ملك فيعتبر هذا سخرية حيث أنزلته منزلة لم يصل إليها؟ فالذي ينزل الصالحين منزلة الله فهذا في الحقيقة تنقصهم واحتقارهم ولا يحبهم تنقصهم واحتقرهم ولا يحبهم وإنما يحبهم من يقتدي بهم ويدعو لهم. Donc pour terminer ce deuxième point parmi les choses qui annulent l'islam, le cheikh il dit que oui, nous aimons les hommes pieux et on les aime en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et en suivant leur exemple, et on demande à Allah de les pardonner, on fait des doigts pour eux et on les prend pas comme des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala et on cherche pas à se rapprocher d'eux par l'adoration. C'est pas ça d'aimer les hommes pieux, c'est pas ça d'aimer les hommes vertueux, ça c'est du shirk. Les hommes pieux n'acceptent pas qu'on fasse le shirk avec Allah en les adorant, ils n'aiment pas qu'on fasse ces choses-là. Qu'est-ce que les hommes pieux aiment de notre part? Les hommes pieux aiment de notre part qu'on y aller soit sur le tawhid et qu'on les aime et qu'on les prenne comme alliés, dans le sens que on les supporte et on les défend dans la da'wah qu'ils ont fait, et qu'on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, et qu'on suive leur bon exemple qu'ils ont, quand ils ont fait le bien, et qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon pour eux. Mais pas de les invoquer eux en dehors d'Allah, ou de sacrifier des animaux pour eux, ou de faire des vœux pour eux. Eux, ils n'agrippent pas ça, ils n'acceptent pas ça. Parce que eux, ils n'ont aucun pouvoir. Et lorsque toi, tu les adores, si quelqu'un les adore, c'est comme si tu les mets à un niveau dans lequel ils ne sont pas. C'est comme si tu dis à quelqu'un, tous les jours, une personne ordinaire, c'est toi le roi. Toi, t'es un roi. Alors qu'il n'est pas un roi. Ou c'est toi le président, alors qu'il n'est pas président. Est-ce que la personne que tu, si tu lui dis ça, il va pas penser que tu es en train de te moquer de lui? Eh ben, c'est la même chose. Lorsque tu adores les salihin, c'est comme si tu es en train de les insulter et de te moquer d'eux. Et c'est pas du tout une preuve que tu les aimes. Et en réalité, c'est en réalité que tu les méprises et que tu les rabaisses, hein, et non pas que tu les aimes. Celui qui aime vraiment les hommes pieux, il va les prendre comme exemple et il va faire des doigts pour eux, et non pas à eux. Il va pas leur demander eux, mais il va faire des doigts à Allah pour que Allah les pardonne et pour que Allah leur fasse miséricorde. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. وفيكم بارك الله فيكم.